For the first time since we launched the podcast almost 6 years ago, this episode is in English. Nous avons la chance de recevoir un invité exceptionnel en direct des États-Unis. Le journaliste scientifique Carl Zimmer est des nôtres ce soir et nous allons parler de virus. C'est l'épisode 251, oui c'est un nombre premier, pour le 1er mars 2016. Bonsoir et bienvenue. It's a prime. Welcome to Podcast Science. Hi, Alan here in Lausanne, Switzerland. Mon ami Karim et moi-même avons eu le privilège de traduire le dernier livre de Carl Zimmer, Une planète de virus. Un livre fantastique, super bien écrit et qui changera forcément votre vision du monde. Brilliantly written and mind-blowing in that your view of the world is bound to change once you've read it. So let's have a quick. Alors faisons un rapide tour de table. Depuis le Connecticut, tout d'abord, nous avons Carl Zimmer. Bienvenue. We have Carl Zimmer. Welcome, Carl. Thank you. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thank you so much for accepting our invitation. Nous avons trois personnes à Paris. Notre ami Pierre Kerner, tout d'abord, alias Topo. Salut Pierre. Also known as Topo or Pierre Kerner on Twitter. Hi, Pierre. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Pierre est un fan de Parasites, l'auteur du blog Strange Stuff and Funky Things. Il est fan de tout ce que Carl a écrit et son plus grand ambassadeur en France. Pierre a probablement lu everything Carl ever wrote and is his greatest ambassador in France. Karim, mon associé, cofondateur de Big Bang Science, auteur d'un autre meilleur blog du monde, Sweet Random Science. Karim va garder un œil sur la chatroom et relayer les questions à Carl. Bienvenue Karim. And relay the questions to Carl when appropriate. Hi Karim, welcome. Hi. Hi. Bonjour tout le monde, plaisir d'être là. So just a quick reminder for the chat room, if you want your questions to be seen, please send them to @ps in the chat room. Last but not dernier parisien, mais pas des moindres, notre Nico Tube national est à la technique ce soir. Salut Nico. This episode works flawlessly. Hi Nico. Hi. Now in the suburbs of Lyon, France. Dans la banlieue de Lyon, nous avons David du podcast Lisez la science. David nous a aussi aidé à préparer cette interview. Salut David, bienvenue. David also helps us prepare this interview. Hi David, welcome. Salut tout le monde. Cet épisode sera disponible dans le flux des deux émissions. Il y a probablement d'autres membres du podcast cachés dans le studio, mais allez savoir pourquoi ils n'ont pas eu le droit de parler ce soir. Enfin, notre bon vieux Pouillot est prêt avec ses crayons pour des illustrations en temps réel dans la chatroom. Alors Carl, pour commencer, David va nous présenter, va vous présenter à nos auditeurs francophones. David? Thanks, Alan. Carl, for this interview, I've been looking at your bio page and also your Wikipedia page. Carl, pour cette interview, j'ai lu votre bio et votre page Wikipédia pour récupérer quelques informations à propos de votre carrière et des livres que vous avez pu écrire. J'aimerais partager ce que j'ai découvert avec le public. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Wikipédia révèle que vous avez obtenu votre licence d'anglais à l'université de Yale avant de travailler pour le magazine Discover à la fin des années 80. D'abord comme relecteur-correcteur, puis comme rédacteur en chef adjoint. Je n'en reviens toujours pas. Quand j'observe la qualité de votre production, et plus spécifiquement le livre dont nous allons parler aujourd'hui, que vous n'ayez pas de formation scientifique. En effet, chers auditeurs, il est important de mentionner que Carl Zimmer n'est pas un invité ordinaire. Chroniqueur au New York Times, pas si mal quand même. On le retrouve aussi sur des émissions radio comme Radiolab. Je sais qu'Alan et Pierre adorent ce podcast. Et certains de ses livres ont été largement acclamés par la critique. Soul Made Flesh, A History of Neuroscience, a été par exemple nommé par les 100 meilleurs ouvrages par le New York Times Book Review. Science Inc. Tattoo of the Science Obsessed a aussi été mis en avant par des médias grand public comme le Huffington Post, Der Spiegel ou encore le Guardian. En tant que journaliste, les articles de Carl Zimmer, qu'ils aient été dans Discover, le New York Times, ou sur son blog, The Loom, qui est maintenant hébergé sur la plateforme du National Geographic, ont été reconnus comme faisant partie des meilleurs écrits scientifiques américains dans diverses anthologies. Carl a aussi gagné le prix de l'Association américaine de l'avancement du journalisme scientifique trois fois pour certains de ses articles. À présent, vous devriez être capable de comprendre certaines des raisons qui font qu'avoir M. Carl Zimmer avec nous ce soir est un grand honneur et que nous sommes heureux de pouvoir parler de son livre « Une planète de virus ». Why we all consider that having Mr. Carl Zimmer with us tonight is such an honor, and we are happy to talk about his books « A Planet of Viruses ». Thank you, David. Merci David. Trêve d'introduction. Carl, pour qu'on s'immerge dans le livre, est-ce que vous voulez bien nous en lire les premières lignes à haute voix? Reading the first lines of the book aloud. Sure. This is a book about viruses, but bien sûr, le livre porte sur les virus, même si ce n'est pas évident dans l'introduction. J'essaie de montrer qu'on trouve des virus partout sur Terre. Alors j'ai opté pour un lieu assez extrême. Voici comment ça commence. Au Mexique, à 80 km au sud-est de la ville de Chihuahua, se trouve la Sierra de Naica, une chaîne de montagnes désolées. En 2000, des mineurs se sont engouffrés dans un réseau de grottes sous ces montagnes. Parvenus à une profondeur de 300 mètres, ils se sont retrouvés dans un lieu qui semblait appartenir à un autre monde. Ils se tenaient dans une salle d'une dizaine de mètres de large et de 27 mètres de long. Le plafond, les murs et le sol étaient couverts de cristaux de gypse lisse et translucide. Beaucoup de grottes contiennent des cristaux, mais pas comme ceux de Naica. Les cristaux y atteignent 11 mètres de long et pèsent jusqu'à 55 tonnes. Des cristaux de ce genre, on ne les porte pas autour du cou, on les escalade. Wow. I think that's exactly the voice I had in my head when I read it. It's brilliant. Well, anyway, I guess this will give magnifique. Cela aura permis à nos auditeurs de se faire une idée de votre style précis, efficace, et pourtant vous parvenez à raconter des histoires inoubliables en partant de simples faits. En moins d'une centaine de pages, vous racontez l'histoire de l'évolution des virus, de notre compréhension des virus, ou plutôt de notre manque de compréhension. Vous couvrez la grippe, le papillomavirus humain, à l'origine de cancers de col de l'utérus et de lapins à cornes. Vous parlez des phages, des virus marins, un truc de dingue, des rétrovirus endogènes, du VIH, d'Ebola, de la variole, des virus géants et de plein d'autres choses. Vous vous attaquez même à la définition de la vie elle-même. Alors nous essayons tous ici d'être de bons vulgarisateurs scientifiques, mais je dois avouer que nous avons encore du boulot. Science communicators here, but I must confess we still have a long way to go before we master this art as brilliantly as you do. Anyway, the book begins with enfin, le livre commence avec l'histoire de notre compréhension de ce que sont les virus. Des siècles durant, on ne les connaissait que via les symptômes qu'ils nous infligeaient. Ça ne fait pas longtemps qu'on les connaît véritablement. Can you start by telling us that story? Yes, so you know, people were becoming sick from viruses, obviously, for as long as there have been people, and even before. Oui, donc les virus ont rendu les gens malades depuis qu'il y a des gens, et même avant. Mais on ne savait pas trop ce qui les rendait malades. On trouvait des manières de gérer les virus, comme par exemple en évitant les contaminations. Trying to avoid infection. So if people had smallpox, they had to be isolated from other people. And then even les malades de la variole étaient isolés du reste de la population. Puis des vaccins furent même développés avant qu'on ne sache ce qu'étaient les virus. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi certains plants de tabac tombaient malades. Ils pensaient que c'était dû à une bactérie. Ils ont mixé les feuilles de tabac jusqu'à obtenir un fluide. Et quand ils passaient ce fluide dans un filtre si fin qu'il ne laissait pas passer les bactéries, il en sortait un liquide si clair qu'il avait l'air d'être pur. Mais il pouvait toujours contaminer d'autres plants de tabac. C'est alors qu'on appela cette mystérieuse substance virus. Virus, which le mot virus qui a un double sens. It can mean poison or seed. Oui, il peut vouloir dire à la fois poison ou graine. J'adore cette double signification, car les virus sont un peu comme des graines, des coques en protéines qui contiennent des gènes qui peuvent faire de nouveaux virus. Mais pour nous, ils sont toxiques. Yep. So I think it was in C'est en 1923, je crois, qu'un virologue britannique a déclaré qu'il est impossible de définir leur nature. Et quelques années plus tard, le New York Times titrait que la distinction entre mort et vie a perdu quelque peu de sa validité. Yeah, this was because what you know. Oui, car en fait, les scientifiques avaient découvert les virus. Ils ont démontré que quelque chose d'incroyablement petit pouvait véhiculer des maladies, sans voir ce que c'était, car les microscopes n'étaient pas encore assez puissants. Alors, certains chercheurs, le chimiste Wendell Stanley en particulier, se sont dit, peut-être qu'on peut cristalliser les virus, peut-être qu'on les verra, de la même façon que l'on cristallise le sel à partir de l'eau salée. And so he actually managed to do that with these viruses that infect tobacco plants. Il a réussi à le faire à partir de ces virus qui infectaient les plants de tabac. Et il a pu en effet créer des cristaux de virus, et c'était étrange, car on pouvait stocker ces cristaux pendant des mois, puis les reprendre, les réhydrater, et ils pouvaient à nouveau causer la maladie. And then they could cause disease again. So people were very confused. Like, les gens étaient vraiment perplexes. C'est quoi ces trucs? Ils sont vivants ou pas? Je crois qu'on débat toujours de ça aujourd'hui. Okay, and it wasn't until the oui, et ce n'est qu'à la fin des années 30 qu'on a pu commencer à les voir vraiment. Yeah, that's right. Finally, there were microscopes invented, electron microscopes that were powerful enough. Oui, c'est exact. On a finalement inventé des microscopes, les microscopes électroniques, assez puissants pour permettre aux scientifiques de grossir suffisamment pour voir ces objets, car ils sont des centaines de fois plus petits qu'une bactérie. En fait, les scientifiques ont pu observer des virus infectant une bactérie. Ils ont appelé des phages. Et ils ont finalement pu comprendre que ces virus étaient très petits, mais pas invisibles. Ils étaient de minuscules entités qui pouvaient envahir nos cellules et les forcer à créer d'autres virus. Karim, on a déjà des questions dans la chatroom for Carl? Well, so far we do have one question actually. Alors, pour le moment, on a une seule question de Ekel, je crois, qui demande si la découverte des prions suit la même histoire. Prions have a similar story of discovery. That's interesting. So prions are just proteins which kind of get a deformed. Oui, c'est une question intéressante. Les prions sont juste des protéines qui sont déformées et qui peuvent attraper d'autres protéines et les déformer à leur tour. Ce changement de forme peut en quelque sorte se répandre dans un type particulier de protéines. Et ils peuvent provoquer des maladies comme la maladie de la vache folle et d'autres. There was a lot of debate about certain kinds of diseases. Il y a certainement eu des débats sur certaines de ces maladies, les chercheurs ne pouvant pas identifier si elles étaient causées par une bactérie ou un virus. Finalement, Stanley Prusiner, de l'Université de Californie à San Francisco, a réussi à isoler ce qu'il a appelé les prions, un type particulier de protéines qui se crée de cette façon. Donc oui, il y a un parallèle intéressant avec cette histoire. There's some interesting parallels to that story. Thank you. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Passons à notre premier virus. Pouvez-vous nous parler un peu du rhinovirus? About the rhinovirus. So the rhinovirus is in English we call it the. Alors le rhinovirus en anglais on l'appelle cold. Et à cause de mon mauvais français, je ne me souviens plus comment on dit ça en français. Rhume, oui. Alors, le rhume ou le cold, c'est un virus que l'on a tous attrapé. Pour la plupart d'entre nous, ça ne nous rend pas particulièrement malades, mais tout de même pendant quelques jours. En fait, on a des sources mentionnant des rhumes vieilles de plusieurs milliers d'années, dès les plus vieux écrits du monde sur la médecine. But it wasn't actually until the early 1900s that scientists were actually able to show that. Eh bien, ce n'est qu'au début du XXe siècle que des scientifiques ont réussi à montrer que ces rhumes étaient dus à un type particulier de virus. Il y a un chercheur qui a pris le mucus de son assistant malade et de ses étudiants, l'a filtré et qui a réussi à transmettre le rhume à d'autres personnes. C'était le genre de test nécessaire pour prouver que c'était bien un virus qui donnait le rhume. Oui, je me rappelle de ce passage dans le livre. C'est vraiment dégoûtant. Walter Kruse en Allemagne. Fait intéressant, vous mentionnez que ce virus, enfin le rhume, appelé Resch en, je ne sais pas trop quelle langue en fait, était déjà mentionné il y a 3500 ans dans le papyrus d'Ebers. What was mentioned 3500 years ago in the Ebers papyrus? Yes, that's right. C'est exact. Yeah, so it's really en fait, c'est une vraie plaie depuis, depuis toujours. Hein. Et c'est seulement maintenant qu'on a découvert ce que c'est, en fait. Et nous n'avons toujours pas de remède, n'est-ce pas? Non, on n'en a pas. Il y a des études qui suggèrent que le zinc pourrait réduire la durée d'un rhume, mais ce n'est pas vraiment un remède. Et il n'y a vraiment aucun moyen de s'en prémunir. There's no way to prevent them. And so, you know, there's actually a lot of debate about, you know, what we should do about colds. En fait, il y a beaucoup de débats sur ce que nous devrions faire à propos du rhume. For the most part, they're not that bad. Beaucoup de gens disent, écoutez le rhume, ce n'est pas si grave dans l'ensemble. Il y a même des études qui indiqueraient qu'attraper un rhume enfant pourrait aider notre système immunitaire. You know, help the immune system. Those are just some suggestive studies. On the other hand, d'un autre côté, certaines personnes commencent à montrer que le rhume pourrait faire plus de dégâts que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Effectivement, la plupart d'entre nous attrapent un rhume et ça nous fatigue pendant 2 ou 3 jours et puis c'est tout. That make us feel lousy for 2 or 3 days and that's it. But it turns out that colds can sometimes. Mais en fait, il apparaît que le rhume peut parfois causer des infections respiratoires et peut déclencher d'autres infections reliées à l'asthme, par exemple. Maybe associated with asthma, for example. So, you know, we may need to take them more seriously. Donc, on devrait peut-être le prendre plus au sérieux. These rhinoviruses, because we can actually now look at the genetic sequence. On commence seulement à reconnaître ces rhinovirus, car on peut maintenant regarder les séquences génétiques. Et en fait, les chercheurs les découvrent maintenant dans les différentes situations où ils ne les attendaient pas. Après des millénaires, notre combat contre le rhume continue. Et dans le livre, vous dites que si on savait comment s'en débarrasser, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Yeah, that's right. I mean, in a way, it's possible that you know, getting oui, c'est exact. En fait, il se peut qu'avoir un rhume soit un peu comme être exposé à une bactérie ou à la poussière ou autre. C'est un moyen d'entraîner le système immunitaire pour qu'il soit plus efficace pour repérer les pathogènes sans entraîner de réactions excessives. On ne veut pas que le système immunitaire réagisse à des éléments inoffensifs, car sinon on pourrait peut-être développer des allergies ou un trouble immunitaire, par exemple. Il existe des études qui présentent des résultats intrigants dans ce sens. Je ne dirais pas que ça montre de manière certaine qu'avoir un rhume est une bonne chose, mais c'est intéressant de se poser la question. Oui, la conclusion du chapitre est que nous ne devrions peut-être pas voir les rhinovirus comme des ennemis historiques, mais plutôt comme de vieux tuteurs sages. Oui, on ne voit les virus que comme des ennemis. Or, je pense qu'il faut vraiment qu'on élargisse notre point de vue à ce sujet. They can have many different roles. You know, there are certainly some viruses that are just bad. Vous savez, les virus peuvent avoir des rôles différents. Il y a des virus qui sont juste mauvais, uniquement mauvais. Mais il y en a d'autres qui peuvent être inoffensifs, voire, croyez-le ou non, bénéfiques. Il faut prendre en compte tous ces éléments. Okay, Karim, des questions pour Karl sur le rhinovirus? Alors, pas vraiment sur les rhinovirus, mais j'ai quelques questions. On y va. Go ahead. OK. Première, lors de vos recherches pour Science Inc., avez-vous croisé des tatouages cool de virus? Et si oui, pouvez-vous nous donner des exemples? Could you give some examples? So this is referring to this book I wrote called Science Inc. Tattoos of. Vous faites référence au livre que j'ai écrit et qui s'appelle Science Inc. Tattoos of the Science Obsessed. J'ai découvert que beaucoup de scientifiques avaient des tatouages et qu'ils ne les partageaient avec personne. Et je les ai donc contraints à me les montrer. Celui qui me vient à l'esprit est un tatouage d'un de ces virus appelé phage qui infecte les bactéries. Some phages that are just perfect for tattoos because they look. Il y a justement certains phages qui sont parfaits pour cela, car ils ressemblent beaucoup à des robots de combat bizarres sortis du film Matrix. Ils ont des formes plutôt hexagonales, avec des sortes de jambes pointues attachées. Ils atterrissent sur les cellules, percent un trou comme avec une seringue et y envoient leurs gènes. Ils sont vraiment étranges, mais donc oui, j'ai plus d'un tatouage de phage dans ma collection. Excellent, thank you. Excellent, merci. On a le temps pour une autre question. Je voudrais juste ajouter qu'une de mes collègues de boulot apparaît dans le bouquin. Elle a une espèce de papillon fait avec des becs de pinson de Darwin. Darwin Finch's beak. Ah oui, je m'en souviens. So she says hi. Elle vous passe le bonjour. C'est un tatouage magnifique. Effectivement. Karim, une autre question? Une question d'Alex qui demande si les virus peuvent être strictement définis comme des parasites. Pour la plupart, oui, c'est ce que je dirais. Enfin, je ne sais pas. C'est une question compliquée. Quand on y pense, c'est un réel défi de faire entrer facilement les virus dans une catégorie. On peut difficilement considérer le virus de la grippe autrement que comme un parasite, par exemple. C'est quelque chose qui prospère aux dépens de son hôte, et donc c'est presque exactement la définition d'un parasite. Mais il y a d'autres virus Mais il y a également d'autres virus qui ont en fait des relations bénéfiques avec leurs hôtes. For example, carry genes for antibiotic resistance. Now, if a virus like that. Par exemple, ces virus qui portent des gènes de résistance aux antibiotiques. Quand ce genre de virus infecte les bactéries qui vivent en nous, ces bactéries vont survivre lorsque nous prenons des antibiotiques grâce aux gènes qui lui ont été apportés par ces virus. Là, il ne s'agit pas d'un parasite. Il y a un large spectre de relations possibles entre les virus et leurs hôtes ou les autres espèces. Nous avons des virus qui sont des parasites de bactéries dans nos intestins. Ils pourraient en fait être bénéfiques pour nous, car ils préserveraient l'équilibre de la flore intestinale. Donc pour nous, il ne s'agirait pas de parasites. Peut-être que nous sommes contents de les avoir pour rester en bonne santé. Une réponse à cette question est plus difficile à donner qu'il n'y paraît. Super, merci. Ça répond déjà à quelques questions. Certaines personnes demandent si les virus peuvent être utiles pour les humains. Viruses can be useful in very many different ways to humans, both just in a sort of physical medical way, but also. Oui, les virus peuvent être utiles de plusieurs manières pour les humains, aussi bien en termes physiques ou médicaux, mais nous utilisons également des virus pour beaucoup d'usages. Les virus sont une ressource importante. D'accord, merci. Quelqu'un demande s'ils peuvent être considérés comme des sortes de symbiotes. J'imagine que ça dépend de comment vous définissez un symbiote. Si on parle de choses qui ont une relation mutuelle bénéfique avec leurs hôtes, alors parfois c'est le cas. Pour certaines espèces de virus, pour certains hôtes, cela peut en effet être bénéfique. Ils peuvent amener des gènes bénéfiques, etc. Sometimes it's a kind of a conditional thing. Parfois, c'est quelque chose de plus soumis à condition. Parfois, les virus ont une attitude envers leurs hôtes qui est « Nous pouvons être amis, jusqu'à ce que les choses tournent mal, auquel cas, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » Les virus peuvent envahir une cellule et s'y installer calmement, sans causer de dégâts. Mais si la cellule subit un stress, le virus peut le détecter et déclencher ses gènes, se reproduire, déchirer la cellule et s'en échapper. La cellule meurt et le virus en sort parce que ce n'était plus un bon endroit où être. Thank you. Time flies, so I'd like to jump to the next. Merci. Le temps file, j'aimerais qu'on passe au chapitre suivant. Nous n'allons pas entrer dans le détail de chaque chapitre, mais je pense que ça vaut la peine de passer une minute ou deux sur la grippe. Qu'est-ce qui la rend si particulière? Peut-être que vous pouvez d'abord nous dire d'où elle vient, quelle est son origine? Oui, donc les virus de la grippe ont une origine particulière. Ils viennent des oiseaux, particulièrement des oiseaux aquatiques sauvages. birds have a huge diversity of flu viruses that live in their guts. Une grande diversité de virus grippo vivent dans les intestins des oiseaux. Harmless. Et pour la plupart, ils sont inoffensifs. Kind of on a regular basis, new régulièrement, de nouvelles grippes aviaires sautent dans notre espèce. Into our species. They adapt to circulating among humans. And instead of being a elles s'adaptent à la diffusion entre humains et au lieu d'être des virus intestinaux, elles deviennent des virus respiratoires et nous les diffusons en intervalle, en ayant les virus sur nos mains, en touchant des surfaces, etc. Nous sommes constamment en train de recevoir des virus de ce réservoir réapprovisionné en permanence. All the time. Ce qui est différent de la manière dont les autres virus sont produits. Au cours de l'histoire, elle a été très meurtrière, n'est-ce pas? Vous mentionnez l'épidémie de 1918, au cours de laquelle un demi-milliard de personnes ont été infectées, et on estime qu'elle en a tué 50 millions? Oui, c'était peut-être un peu plus d'un demi-milliard. C'est difficile de savoir précisément combien de personnes ont été infectées. What's amazing is that it spread all over the world to even the ce qui est incroyable, c'est qu'elle s'est propagée dans le monde entier, jusqu'aux villages les plus reculés d'Alaska, en une épidémie mondiale et plutôt catastrophique. Karim, d'autres questions so far? Well, there's one question which is il y a une question qui est, je pense, au cœur du livre. Les virus sont-ils ou non vivants? On me pose cette question tout le temps, mais je ressens toujours ceci. Avant que je réponde à cette question, je pense que la personne qui la pose doit me dire ce qu'est la vie. Définissez-moi la vie. Parce que si vous regardez la définition de la vie, il y en a des centaines qui circulent en quelque sorte entre scientifiques. Il n'y a pas de définition clairement acceptée de la vie. Les gens vont dire, les êtres vivants ont cette liste de qualités. Et ils rassemblent une liste arbitraire qui change en fonction d'à qui vous vous adressez. Donc, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que les termes sont controversés. Il y a certainement des caractéristiques des êtres vivants que la plupart des virus n'ont pas. Peut-être que la chose principale est que nos cellules ont des petites usines, appelées ribosomes, pour construire les protéines à partir de blocs de construction. Nos cellules peuvent grandir, construire de nouvelles protéines, construire leurs propres gènes. Les virus ne peuvent pas faire ça. Ils n'en ont pas la capacité. Donc, si c'est votre définition, oui, je dirais qu'ils ne sont pas complètement vivants. Pour autant, il y a certains virus qui semblent très proches de faire ces choses. Ils sont appelés virus géants, les mimivirus. Ils ont tellement l'air presque vivants que les gens ne sont pas sûrs qu'il s'agisse de virus. Ça devient troublant. We tend to think in a very binary way, life and death. But I think in terms of biology, je pense que nous avons tendance à penser la vie de façon binaire. Mais je pense qu'en termes de biologie, il y a en fait un continuum. I don't know what you call them, biological. Je ne sais pas comment l'appeler. Des systèmes biologiques, des systèmes vivants, du simple virus aux formes complètement vivantes comme nous. Je pense qu'il est plus difficile qu'on ne le croit de tracer une ligne et de dire de ce côté-ci les choses sont vivantes, de celui-ci elles ne le sont pas. I'd like to move on to the next chapter, which is about HPV. Je voudrais passer au chapitre suivant, qui est à propos du virus de papillome humain, VPH ou HPV, qui peut faire pousser des cornes sur les lapins, ça c'est une histoire incroyable, ou provoquer des cancers du col de l'utérus chez l'humain, ou même les faire ressembler à des arbres. Vous pouvez nous parler de ce virus? Can you share your insight about this one? Sure. So human papillomavirus is one of the better known viruses now. Bien sûr. Le HPV est un des virus les mieux connus à présent, en partie, je pense, parce que sa menace est si bien évaluée. Les femmes infectées par certaines souches de HPV risquent de développer des cancers du col de l'utérus. Les hommes risquent également de développer des cancers avec ce virus. The virus gets into cells and ce qui se passe, c'est que le virus pénètre les cellules et là, il peut accélérer leur réplication. Elles perdent le contrôle et deviennent des tumeurs malignes. Le rythme de leur croissance devient très dangereux. La façon dont ils ont été découverts est assez incroyable. C'était dans le début des années 1900 aux États-Unis. Les gens parlaient de ces lapins auxquels ils poussaient des cornes, et ça semblait être de la mythologie. Mais de temps en temps, les gens trouvaient ces lapins. People would actually find these rabbits. And so a researcher at Rockefeller University named Richard Shope in the 1930s. Un chercheur de l'université de Rockefeller, Richard Shope, dans les années 30, a demandé à un ami de chasser ses lapins et de lui envoyer les cornes. And he studied these horns and he realized il a étudié leurs cornes et a réalisé qu'elles ressemblaient à des sortes de tumeurs. And then when he quand il les a étudiés de plus près, il a été capable d'isoler des virus de ces cornes et il a pu utiliser ces virus pour faire pousser des cornes à d'autres lapins. Les virus du papillome sont trouvés sur pratiquement tous les mammifères terrestres. Le HPV nous infecte particulièrement. Il s'agit en fait d'un réel succès en termes de virologie, car nous avons un moyen d'éliminer des cancers, un très grand nombre de cancers, parce qu'il y a un vaccin efficace contre le HPV. Si vous vaccinez les gens contre le HPV, ils n'auront pas ce type de cancer. Il s'agit d'un cancer qui affecte des milliers de personnes chaque année. C'est un type de cancer qu'on peut tout simplement éliminer. Et vous ne vous pouvez pas dire ça à propos d'autres types de cancers. Les résultats du vaccin contre le HPV sont en train d'être connus. Des données à long terme qui montrent que le vaccin est réellement en train de diminuer le taux de contamination par des souches qui provoquent le cancer, aux États-Unis du moins. Karim, des questions ? Pas à propos des lapins. A lot of comments, obviously, in the chat. Beaucoup de commentaires dans le chat room. So you haven't talked about the jackalope. Vous n'avez pas parlé du mythe du jackalope et du lien entre le lapin d'Amérique et ce mythe. Virus and dismiss. Right, so people would refer to. Oui, effectivement. Les gens appelaient jackalope ces lapins avec des cornes. C'est un jeu de mots entre jackrabbit, le lièvre, et l'antilope. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais allé dans le Wyoming et le Montana, et parfois dans des restaurants, on pouvait apercevoir des trophées de jackalope, qui sont en fait des lapins avec des cornes d'antilope collées. Vous pouviez acheter des cartes postales avec ces jackalopes. J'avais alors supposé que c'était un mythe que les gens de l'Ouest américain avaient inventé pour faire peur à ceux de l'Est. Mais il se trouve qu'il y a un fond de vérité. Il y a vraiment des lapins à cornes. Je viens de poster une image de Reagan portant un trophée de jackalope. Trophy. Yep. Et il y a eu une autre image dans la chatroom. J'allais sauter la question, mais puisqu'on en parle, pouvez-vous nous parler de Dede, le garçon indonésien des années 80? Dede, the Indonesian boy in the 80s? Yeah, so in addition to cervical cancer, HPV. Oui, en plus du cancer du col de l'utérus, le HPV, dans d'autres situations, peut provoquer des excroissances des cellules de la peau et peut causer des verrues ou d'autres tumeurs précancéreuses. Une des raisons, c'est que les cellules tentent de devancer le système immunitaire. Celui-ci peut maîtriser ces virus, et la plupart d'entre nous attrapent l'HPV au niveau cutané, mais c'est plutôt inoffensif. Ce ne sont pas les mêmes souches qui causent le cancer du col de l'utérus. And they're not these cancer-causing strains that cause cervical cancer. But in any case, there was. Mais il y a cet homme qui avait sans doute une déficience de son système immunitaire, car sa peau réagissait à chaque fois qu'elle entrait en contact avec le HPV. Immune deficiency, which meant that as soon as he got HPV on his skin, it would just take off. It would just make his skin cells grow really fast. And cela provoquait une croissance très rapide des cellules cutanées. His skin started to look like tree bark. C'était horrible. Sa peau ressemblait à de l'écorce. Ses tumeurs apparaissaient sur ses bras et d'autres parties de son corps. He was actually found by doctors in a traveling freak show. Les docteurs le trouvèrent dans un freak show itinérant et il fut opéré lourdement pour retirer ses excroissances. Remove these growths, and he looked normal again, but these things just come right back. Il redevint normal, mais les excroissances revenaient rapidement, car le HPV est partout et très difficile à éviter. Donc il l'aurait attrapé inévitablement, et sans système immunitaire adapté, il est juste redevenu cet homme arbre à nouveau. Yeah, sad story. Oui, c'est terrible. Passons au chapitre suivant à propos des phages. Incroyable petite chose. Vous en avez déjà parlé. Pourrait-elle être une solution à la montée des résistances aux antibiotiques? Could they be a solution to the growing bacterial resistance to antibiotics? Right, so phages are basically a phage is anything that any kind of virus. Oui, alors le terme phage désigne tout virus qui s'attaque à une bactérie. They're incredibly abundant because there are so many bacteria. Il y en a énormément, tout simplement car il y a énormément de bactéries. The most abundant kind of phages are therefore ocean. Les plus abondants sont les phages des océans, car les océans sont immenses et remplis de bactéries. And scientists have tried to come up with estimates for how many there are. Les chercheurs ont tenté d'estimer leur nombre et sont arrivés à 10 puissance 31. Un 1 avec 31 zéros derrière. 31 zeros after that. It's a lot of viruses. I mean basically ça fait beaucoup de virus. Et les virus sont donc la forme de vie, si on peut les appeler ainsi, la plus répandue sur la planète. In the world. And you know, we can really benefit by studying in particular. Il y a plein de bonnes raisons d'étudier les phages. And one reason is that there are phages that l'une d'elles est qu'il y a des phages qui infectent spécifiquement les bactéries qui nous infectent. Infect us. So if you have a wound that gets infected by bacteria. Et donc si vous avez une plaie infectée par une bactérie, il est possible d'utiliser les phages pour soigner cette infection. Clear up that infection. And actually in France 100 years ago, cette thérapie par les phages fut inventée en France il y a un siècle et s'est bien établie avant d'être remplacée par les antibiotiques. Before being replaced by antibiotics. And now that antibiotics are starting to really falter, starting to see et maintenant que les antibiotiques commencent à nous faire défaut et qu'on voit apparaître des résistances aux antibiotiques, les chercheurs se tournent de plus en plus vers les phages en regardant s'ils peuvent réintroduire des phages efficaces contre les infections. Vous avez mentionné les virus des océans et je voudrais y revenir. J'ai découvert quelque chose d'incroyable dans votre livre. Si vous respirez 10 fois, l'une de ces respirations est due à des virus. It's kind of mind-blowing actually that there are viruses. Oui, c'est vraiment dingue. Certains virus phages des océans infectent spécifiquement les bactéries qui produisent pas mal de notre oxygène. Ces virus portent sur eux certains des gènes de la photosynthèse. En gros, ils infectent la bactérie et remplacent les gènes de la photosynthèse de l'autre par les leurs. And that's because ils font cela car cela rend les hôtes meilleurs pour produire les éléments nécessaires pour produire d'autres virus. Kind of building blocks they need to build new viruses. So sort of tweaking the photosynthesis to suit them. Ils adaptent en quelque sorte la photosynthèse pour leurs besoins et dans le processus les cellules utilisent du dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. They're taking in carbon dioxide and they're giving off oxygen. And we're breathing that oxygen, and that oxygen was. Nous respirons de l'oxygène qui vient dans un grand nombre de cas de ces bactéries infectées. Infected bacteria. So. Nous pouvons littéralement remercier les virus pour l'air que nous respirons. A lot of the oxygen we breathe. Yeah, that's real. Incroyable histoire. Yeah. On trouve une autre histoire dans le chapitre « Nos parasites intérieurs » où on apprend que les mammifères peuvent remercier les virus pour l'existence du placenta. In this part of the book, I talk about certain kinds of viruses that basically become part. Dans cette partie, je parle de certains des virus qui sont devenus une partie de notre génome, qui sont vraiment passés dans notre ADN, se sont fondus en nous. Ça fait un moment que ces virus me fascinent et que je suis toutes les recherches qui en parlent. All the research has been going on in them. Scientists are finding that in several cases, they. Des chercheurs ont trouvé que dans plusieurs cas, leur ADN, transmis depuis des millénaires, a été capté à travers l'évolution pour faire des choses pour nous. To do things for us. So, for example, In the placenta, for example, dans le placenta, par exemple, des cellules utilisent un gène d'origine virale pour produire une protéine qui permet de créer un lien entre elles et entre ces cellules et le placenta. Between the cells and the placenta. This is essential. So, like, if you, when scientists take a mouse and knock out the virus, c'est essentiel. Et quand des chercheurs désactivent ce gène viral chez une souris, le placenta ne se fait pas et les embryons meurent. So it's just a really striking example of how. C'est un exemple frappant de la façon dont nous avons coopté les virus. Ironiquement, nous utilisons aussi leurs gènes pour combattre d'autres virus. Aussi étrange que ça peut paraître, nous sommes en partie des virus. On a officiellement sidéré la chatroom. Karim, des questions? No questions, but yeah, people are reacting and saying. Non, mais effectivement, les gens sont épatés de voir à quel point les virus sont importants. J'ai une question, si possible. Pensez-vous que la phagothérapie sera utilisée dans le futur? Phage therapy will be used in the future. Well, phage therapy is actually being used now, just not very widely. En fait, elle l'est déjà en ce moment de manière confidentielle. Il y a des tests en Belgique, je crois. Going on now in Belgium, I believe, a really important test. I believe. Un test important porte sur les victimes de brûlures. And so, you know, what's happening is that scientists are. Les chercheurs développent des moyens pour les utiliser lorsque les antibiotiques ne fonctionnent plus. Pour les grands brûlés, vous n'avez pas envie de donner des tonnes et des tonnes d'antibiotiques à une personne si vulnérable. Et dans ce cas, les phages peuvent être une bonne alternative. How reliable will phage therapy be? Mais est-ce que la phagothérapie est vraiment sûre? You can't just pick out any phage to fight a particular infection. Vous ne pouvez pas juste piocher n'importe quel phage pour une infection. Un virus peut peut-être infecter une seule espèce ou même une seule souche. Et si vous n'avez pas la bonne combinaison, ça ne va pas marcher. Thank you. There are a couple of chapters. There's one dedicated to the HIV. Il y a un chapitre qui traite du VIH, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de l'aborder. Donc j'invite les auditeurs à aller lire votre livre en anglais ou en français pour découvrir ces histoires incroyables. To discover the full story, which is kind of mind-blowing as well. Vous parlez aussi de la mondialisation du virus du Nil occidental et de comment il est devenu américain. On ne va pas entrer dans les détails de cette histoire non plus, mais est-ce qu'on assiste au même genre de phénomène avec le virus Zika? Comment on dit d'ailleurs en anglais Zika? Zika? Zika? How do you say that in English? Zika? Ça se dit Zika. Zika. Okay. Yeah, I mean, what we can. We can track viruses these days. On peut maintenant suivre ces virus d'une façon qui n'était pas possible dans les décennies ou les siècles précédents. And so what we're finding is that there are some viruses that show up in one part of the world. Ce que nous voyons, c'est que certains virus apparaissent dans une partie du monde et puis tôt ou tard dans une autre. And it's quite remarkable to watch. C'est assez remarquable de les voir se déplacer. So Zika virus was found in Uganda, I believe, in the mid-1900s. Le virus Zika a été trouvé en Ouganda, je crois, au milieu du 20e siècle. Et pas vraiment ailleurs avant les 20 dernières années. The past couple decades, and then it started showing up in places like Polynesia. Puis il a commencé à apparaître dans des endroits comme la Polynésie et l'année dernière dans les Amériques, au Brésil, et il se répand maintenant très rapidement dans d'autres parties du continent. C'est un schéma que l'on voit apparaître encore et encore. Le virus du Nil occidental était limité à l'Afrique et à l'Asie il y a encore 10 ans. And then all of a sudden it was in New York City. Puis, on l'a découvert à New York. On a su qu'il était là parce que les oiseaux mouraient. Il touche les hommes et les oiseaux. Les oiseaux du zoo du Bronx et aux alentours mouraient et les chercheurs ont trouvé le virus en eux. En plein New York, probablement porté par des moustiques venant d'autres parties du monde. Ça a suffi pour provoquer sa dispersion dans tout le pays, et le virus du Nil occidental fait maintenant partie de la vie des Américains. On ne va pas s'en débarrasser. Les gens meurent tous les ans, et on doit juste se résigner. Zika va suivre le même schéma, à moins que l'on trouve un vaccin et que l'on mène une campagne intensive de vaccination et contre les moustiques qui le portent. Le chikungunya est un autre exemple. Malheureusement, on voit de plus en plus d'exemples de ces virus apparaître partout dans le monde. Yeah, speaking of terrifying stuff, you also have a chapter dedicated to Ebola. En parlant de trucs terrifiants, vous avez aussi un chapitre dédié à Ebola. On ne va pas le développer ici. Il y a également un chapitre sur la variole. Alors là, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu plus longtemps. Je suppose que les gens de mon âge ou plus jeunes seront aussi choqués que moi en lisant ce chapitre. Moi, je suis né au début des années 70, 70 en Suisse. Et jusqu'à ce que je lise cette histoire, je n'avais jamais compris à quel point la variole avait été meurtrière pendant les milliers d'années qui nous ont précédés. Et à quel point c'est incroyable qu'on ait réussi à l'éradiquer, tout en réussissant à séquencer son génome. C'est une histoire magnifique qui, en plus, couvre l'invention des vaccins. Est-ce que vous pouvez nous en parler en genre 5 minutes? Can you tell us all there is to know about smallpox in like 5 minutes? Yeah, right. Yeah, I can certainly you know hit some. Oui, certainement. Je peux vous parler des points clés. It's really unbelievable. L'histoire de la variole est vraiment incroyable. Even to believe it because on a du mal à y croire car aujourd'hui ça n'existe plus. This was maybe the worst. C'était peut-être le pire virus de tous et on l'a vaincu. And we beat it. That should give us some. Et ça, ça devrait nous donner confiance pour essayer d'en combattre d'autres. These other viruses. I mean, this was a virus. La transmission se faisait de personne à personne. Elle causait d'horribles scarifications et la maladie était terriblement mortelle. Lethal. You know, a sizable fraction of people who get it. Une part importante des gens infectés en mourait. There's one estimate that in Europe alone. Il y a une estimation. En Europe, et en Europe seulement, entre 1400 et 1800, la variole a tué chaque siècle 500 millions de personnes. C'est un peu inimaginable. Mais les gens avaient développé des techniques pour se protéger, qui ressemblaient à peu près à la vaccination. En fait, ça a probablement commencé en Chine, puis ramené en Europe. Edward Jenner, au XVIIIe siècle, a fait des progrès pour traiter la maladie en découvrant une souche de virus qui protégeait contre la variole, sans être dangereuse pour soi. Mais c'est dans les années 50-60 qu'on a vraiment commencé à parler d'éradiquer le virus et que les campagnes d'éradication ont commencé. Finalement, en 1977, en Éthiopie, on a eu le dernier cas de variole contracté de manière naturelle. On garde toujours le virus de la variole quelque part. À ce que j'en sais, ce n'est que dans deux laboratoires, un aux États-Unis et un en Russie, et c'est tout. Maintenant, on a un débat sur est-ce qu'il faut se débarrasser de tout ou le garder pour des études qui pourraient nous donner des idées. Mission accomplie en moins de 5 minutes. Vous êtes juste épatant. Merci beaucoup. Karim, des questions? Karim, do you have questions? Une question de vocabulaire. Variole se dit smallpox en anglais, mais est-ce qu'il y a une big pox? Not that I know of. There are giant viruses, and I write about them in the book. These are viruses. Pas que je sache, non. Il y a des virus géants dont je parle dans le livre. Hundreds of times bigger than. Ces virus sont aussi gros que des bactéries. Previously known viruses. Des centaines de fois plus gros que les virus dont on vient de parler, avec parfois plusieurs milliers de gènes. Ce qui est fou, car les virus ont généralement 10 gènes, voire moins. Mais non, je n'ai jamais entendu parler de bigpox. La variole est déjà suffisamment mauvaise. Okay. And also, I just wanted to know. You said maybe we should. Well, je voulais aussi vous demander. Vous avez dit que le virus était gardé dans un coffre. Quelle est votre position? Vous pensez qu'il vaut mieux le détruire ou continuer la recherche dessus? Well. I think that there are very good arguments. Je pense que les deux camps ont présenté de très bons arguments. But you know, the fact that eradication is permanent makes me. Je suis en revanche un peu méfiant sur le fait que l'éradication soit permanente. And actually, you know, you could actually even argue that maybe eradication. Et d'ailleurs, on pourrait même penser que l'éradication n'est pas possible. Possible. For example, we're not 100% sure that. Par exemple, on n'est pas sûr que tous les stocks de variole soient connus. Il est possible que certaines personnes en gardent quelque part et pourraient les libérer. On ne peut juste pas savoir. Une autre chose, c'est qu'on connaît le génome de la variole. On connaît les séquences de gènes qui composent la variole. À notre époque, en connaissant ça, on peut faire le virus. Avec la biologie synthétique, je pense que la variole ne pourra jamais être éradiquée. On ne sait pas encore tout sur la variole, et on pourrait apprendre des choses sur les virus apparentés, qui seront peut-être la cause de la prochaine grande épidémie. Alors bon. J'ai tendance à dire, ne l'éradiquons pas. Ok, thank you very much. Ok, merci beaucoup. Vous venez de parler des virus géants. Je crois que Pierre a une question en lien avec l'actualité. Pierre? Yeah, indeed. I came across your coverage of a very recent discovery regarding giant viruses. Oui, effectivement, je viens de tomber sur votre article évoquant la découverte très récente dans un virus géant d'un système de type CRISPR. Je me demandais si vous pouviez expliquer en quelques mots en quoi consiste la découverte, mais aussi quelles précautions vous prenez lorsque vous écrivez sur des découvertes si récentes et des sujets aussi chauds. Right, so this is actually I read about giant viruses in A Planet of Viruses, but OK, j'ai parlé des virus géants dans Planète de Virus. Mais la science avance tellement rapidement sur les virus géants qu'il y a des éléments qu'on ne peut relater qu'en complément. Vous parlez d'un article que j'ai écrit hier sur le site STAT. J'y relate une découverte troublante. Il y a des virus géants qui peuvent être infectés par leur propre virus. Croyez-le ou non, il y a des virus de virus. Donc, il y a des virus viruses qui infectent. On a les virus géants qui infectent les protozoaires, et on a aussi d'autres virus appelés virophages qui infectent ces virus géants. And what scientists found was that there were they found some of these virophages. Les scientifiques ont trouvé que certains virophages pouvaient infecter certains virus géants, mais pas des souches très proches de ces virus. And they thought, what's going on? I mean, ils se sont demandé, que se passe-t-il? Ça devrait être possible. And it seemed like the giant viruses. Les virus géants semblent avoir une sorte de système de défense contre les virophages. C'est déjà très étrange de voir que les virus peuvent avoir leur propre virus. Mais c'est encore plus bizarre de penser qu'ils ont leur propre système immunitaire. Suite à ces études sur les virus, les scientifiques pensent que les virus géants sont capables de capturer des petits bouts d'ADN de virophages et de les utiliser pour simplement les reconnaître quand ils les contaminent, et enfin d'utiliser des enzymes pour les couper en morceaux. Si c'est le cas, c'est très similaire à ce qui se passe avec CRISPR, qui est un système immunitaire que les bactéries utilisent pour combattre les virus. CRISPR a donné des très bons résultats ces dernières années, car les scientifiques ont utilisé pour modifier des gènes, et c'est très puissant, très rapide, très précis, très peu cher, et ça ouvre des tas d'opportunités excitantes et effrayantes. Il s'avère que les virus géants ont une espèce de CRISPR à eux. Qui sait où ça pourrait mener pour d'autres applications de modification? On n'en sait vraiment rien. Vous avez posé une bonne question sur ce qui se passe quand quelque chose comme ça arrive. Un nouveau papier sort avec des découvertes étonnantes. Il faut être méfiant car il se peut très bien que ça s'avère ne pas être vrai. Peut-être que dans 1, 2 ou 3 ans, les scientifiques qui vont essayer de suivre ce sujet vont se rendre compte que celui qui a fait la première découverte s'est trompé. Je pense qu'il faut simplement garder ça en tête pendant qu'on écrit sur le sujet et en discuter avec des experts extérieurs, des gens qui peuvent être un peu sceptiques et essayer d'intégrer ces voix dans vos rapports quand c'est possible. C'est une idée formidable. On va attendre et voir dans les années qui viennent si ça se confirme après un examen minutieux. C'est ce que vous avez fait quand vous avez contacté Jennifer Doudna pour cette histoire en particulier, pour avoir son opinion sur le sujet? Oui, j'ai contacté Jennifer Doudna de Berkeley, qui est une experte de CRISPR. J'ai parlé à 2-3 virologistes également pour avoir leur sentiment sur le sujet. Déjà, les gens reconnaissent que les auteurs de cette nouvelle étude sont les experts mondiaux des virus géants. Ce sont eux qui les ont découverts. Didier Raoult et d'autres en France sont vraiment pionniers dans ce domaine. Et s'ils publient un papier, il faut l'étudier attentivement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, mais ça vaut quelque chose. Thank you so much. Merci infiniment. Le temps passe, on va devoir boucler en ce qui concerne le livre. Il y a une dernière question que je voulais vous poser. En fait, c'est juste une question de temps avant que la prochaine épidémie ne nous frappe, n'est-ce pas? Hits us, isn't it? Unfortunately, you know, it's we're dealing, for example, right now. Malheureusement, oui. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec Zika, par exemple. Ça arrive tout le temps. Il y a juste une question d'échelle. It's sort of a question of just the scale of them. Sometimes they turn out to be. Parfois, il s'avère que les virus ne sont pas spécialement énormes. Comme par exemple le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère dont je parle dans le livre. On ne veut pas l'attraper, ça peut être mortel. Mais pour le moment, il est très limité et se propage dans les hôpitaux et pas forcément à l'extérieur. Donc ce n'est pas comme la grippe. Mais oui, on va avoir de plus en plus de cas comme ça. Et certains pourraient être très mauvais. I can't say what it'll be next. I mean, it could be a new flu. Je ne peux pas dire lequel sera le prochain. Ça pourrait être une épidémie de grippe. Ça pourrait être une nouvelle souche de grippe aviaire qui se propage très vite et soit en plus relativement mortelle. Relatively deadly. So we need to. There are lots of things we can do to get ready for these things. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour être prêt dans ces cas. C'est bien. Mais c'est aussi frustrant car on se rend compte qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. How we're not doing what we could do. With the Ebola outbreak, for example. Dans le cas d'Ebola, par exemple, comment se fait-il que nous n'avions pas de vaccin prêt? On avait déjà de bons résultats sur des vaccins contre Ebola il y a des années. Mais les chercheurs n'ont pas réussi à faire en sorte que tout le monde se mette d'accord et fasse réellement des recherches là-dessus. Il faut qu'on soit mieux préparé pour la prochaine vague de virus. C'est un bon message. Merci. Karim, des questions? Thank you so much. Karim, any questions? You're muted, Karim. I'm sorry, I had a connection problem. Non, je crois que les gens sont toujours impressionnés et essayent de digérer le truc du virus dans un virus. Within a virus thing. So, we're still on that. Ok, alors en ce qui concerne le livre, j'invite vraiment chaudement nos auditeurs à le lire, soit en anglais, A Planet of Viruses, dont la deuxième édition est disponible partout, et à partir du 11 mars, il est aussi disponible en français sous le titre Planète de virus. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais les traducteurs ont fait un boulot fabuleux. Allez, maintenant je vais laisser la parole à David et Pierre qui vont poser quelques questions supplémentaires, pas à propos du livre, mais sur vous, Karl, votre vie et plus particulièrement vos écrits. David? J'aimerais revenir sur votre parcours académique. Ne faut-il pas être un scientifique pour comprendre et communiquer sur la science? J'espère que non, parce que je ne suis pas un scientifique. Donc, si c'était le cas, je serais sans emploi. Sérieusement, il est certain qu'être un scientifique donne pas mal de notions sur comment marche la science et ça donne beaucoup d'expertise dans un domaine particulier. Mais je ne pense pas que ça empêche les autres personnes de s'y intéresser ou d'écrire sur la science. Je dirais que les non-scientifiques doivent reconnaître que ça peut être compliqué et qu'il faut du temps pour comprendre. C'est vraiment très facile d'étudier les choses en partant avec de fausses hypothèses. Il est certain qu'en tant que non-scientifique, je me remets sans cesse en question. Je vérifie plusieurs fois pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est bien et c'est intéressant de voir où j'ai fait des erreurs et d'apprendre de ça. Mais je n'aime pas ça. Je préfère m'en apercevoir avant que mes papiers soient publiés plutôt qu'après. C'est un bon conseil. David, tu avais une autre question, je crois? David, I think you had another question. Yes. Dans l'avant-propos, on peut lire que le contenu du livre était initialement prévu pour des essais dans le cadre du projet World of Viruses. Pourriez-vous peut-être nous parler un peu de cette initiative et est-ce de cette manière que le livre a vu le jour? How did the book come to life, perhaps? Right, so this was an educational project that. Exact. C'était un projet éducatif organisé par des personnes de l'université du Nebraska. Ils font pas mal de projets éducatifs différents sur l'évolution et d'autres sujets, et ils sont entrés en contact avec moi. Dans un premier temps, je devais juste écrire quelques essais sur les virus, juste pour les présenter aux étudiants. J'ai commencé à les écrire et j'ai réalisé que j'avais presque accidentellement écrit un livre. La maison d'édition de l'Université de Chicago s'y est intéressée et donc j'ai repris et retravaillé tous les essais pour créer une unité et les assembler pour en faire un livre. C'est un des éléments qui est ressorti de ce projet. Ils ont fait d'autres choses, vous savez. Des BD, des programmes radio, des tas de posters, plein de choses intéressantes et différentes. Ça a été très sympa de bosser avec eux et de voir des gens se servir des virus dans des formes de création différentes. Pierre, tu avais aussi quelques questions? Oui, effectivement. Si on a encore un petit peu de temps, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vos différents travaux et de votre expérience en termes de vulgarisation scientifique. Pour beaucoup, nous compris, vous arrivez à très bien équilibrer le fait de relater des faits, raconter une histoire et présenter des opinions. Selon vous, quels sont les principaux progrès qui vous ont permis d'atteindre cet équilibre? Well, I mean, my own experience, I mean, I can't say that it was... Dans mon cas, je ne peux pas dire que tout a été consciemment réfléchi. Mais vous savez, j'ai travaillé 10 ans pour le magazine Discover. J'ai été rédacteur en chef pendant 4 ans, et ça a vraiment été ma formation dans le journalisme scientifique. Comprendre comment le faire. Commencer par être celui qui vérifie les données, puis écrire de courts articles, et apprendre de rédacteurs et de journalistes très talentueux. Depuis, j'écris seul à temps plein et j'aime vraiment atteindre un bon équilibre entre plusieurs types d'écriture. Déjà par intérêt personnel. Je pense que je m'ennuierais un peu si j'écrivais tout le temps le même type de choses. Donc, quand j'ai fini un livre, ce que j'aime faire habituellement, c'est commencer à travailler sur quelque chose de très très court. J'aime beaucoup ça, pouvoir écrire quelque chose, le faire très rapidement, puis avancer à partir de là. C'est un processus continu, régler finement mon emploi du temps et ma journée, regarder ce que j'ai déjà écrit, et essayer de comprendre comment je vais avancer à partir de là dans une direction différente. Vous avez testé pas mal de médias, les blogs, les journaux et magazines, New York Times, National Geographic, Time Scientific American, Science et Popular Science, les podcasts, Radio Lab, Fresh Air, Meet the Scientist et This American Life, et récemment la vidéo avec Stat. Maintenant que vous avez un petit peu tout testé, quels sont les avantages et inconvénients de chaque média? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez et est-ce que vous pensez qu'il y a un passage possible de l'un à l'autre? Je travaille actuellement sur un livre et j'aime vraiment pouvoir travailler un jour entier, voire plusieurs jours, uniquement sur un gros projet spécifique. Pour le côté créatif, c'est vraiment satisfaisant. Mais aujourd'hui, le domaine des livres devient un domaine un peu saturé. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais le fait est qu'aujourd'hui, les gens lisent et écoutent et regardent la science de plein de manières différentes. Et même si j'aime écrire un livre papier à l'ancienne, je veux quand même être capable d'explorer d'autres moyens. La vidéo pour Stat que j'ai faite est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Mais je pense que si on a de la chance, on essaie de nouvelles choses en travaillant avec des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc, on ne peut pas se tromper. Dans mon cas, je travaille avec un producteur, Matthew Orr, qui a 10 ans d'expérience dans la vidéo et qui travaille dans des endroits comme le New York Times. En gros, ce que nous faisons, lui et moi, c'est nous pointer dans des laboratoires où des gens font des choses très intéressantes comme de la rééducation après un AVC, hacker des microbiomes ou je ne sais quoi. En quelque sorte, on prend le pouvoir et on leur demande de nous montrer ce qu'ils font et de nous raconter leur histoire. Matt filme tout le temps et cherche de belles images pour illustrer ce dont on est en train de parler. Mais c'est un challenge complètement différent ici. Il faut arriver à résumer en 5 minutes ce que les gens étudient depuis des années. Et ce n'est pas toujours facile. Ok, j'ai encore le temps pour quelques questions. Oui, bien sûr. Encore quelques minutes. Dans la blogosphère, à un moment, vous avez changé de plateforme. Vous avez commencé par Discover, puis Phenomena pour le National Geographic. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre opinion pour ces plateformes de blog et comment elles ont évolué, ce qu'elles offrent aux blogueurs, etc. À ce propos, il y a un nouveau livre qui s'appelle Science Blogging, The Essential Guide. Il a été publié par la maison d'édition de l'université de Yale. Et il y a un chapitre qui parle de l'histoire des blogs. Je suppose que je fais partie des vieux qui ont commencé à bloguer à l'ère du Jurassique. En fait, j'ai commencé tout seul sur mon site avec un logiciel très primitif. Puis, un réseau de blogs appelé Courant m'a demandé si je voulais bloguer avec eux. Ensuite, j'ai été invité à participer à un réseau de blog plus important appelé Science Blog. Ensuite, j'ai rejoint le magazine Discovery, puis National Geographic. Le fait de bloguer était très excitant. Et ça l'est toujours. Mais au début, voire au milieu des années 2000, où il n'y avait rien d'équivalent, où on pouvait écrire exactement ce qu'on voulait, de la manière dont on voulait, on pouvait intégrer des vidéos, etc., et tout simplement expérimenter. On pouvait répondre rapidement aux lecteurs. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on considère comme acquises dans les médias de science qui, en réalité, ont été découvertes pour la première fois grâce au blog de science. Pour l'instant, je prends un petit peu de recul par rapport au blog, car je suis en train d'écrire ce livre. Et j'ai aussi tout ce qui se passe sur Stat, et j'ai une rubrique pour le New York Times, et j'ai des fois l'impression que ma tête va exploser. Mais j'y retournerai. Je pense toujours qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en bloguant qui sont simplement impossibles avec d'autres formats. Très rapidement, en mode question-réponse pour tes dernières questions, Pierre. Ok, donc les deux dernières questions. À certains moments, vous avez activement plaidoyé pour une nouvelle manière de faire de la science, notamment suite au désastre de la fausse découverte de bactéries à l'arsenic. Est-ce que vous pensez que c'est un travail pour quelqu'un comme vous, qui a un regard extérieur sur comment on fait de la science et comment elle est perçue ? Eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le magazine Science a publié une étude faite par des scientifiques très réputés et financés par la NASA qui prétendaient avoir trouvé un nouveau genre de vie utilisant l'arsenic pour construire leur ADN. Ça aurait été incroyable si cela avait été vrai, mais ça ne l'était probablement pas. Je ne dirais pas vraiment que j'ai plaidé dans ce sens, mais j'ai écrit sur comment la communauté scientifique avait reçu cette information, de tout le battage qui en a suivi, sur le fait qu'il y avait beaucoup de sceptiques à ce sujet, que beaucoup pensaient que ça montrait que le système de diffusion de l'information scientifique était très imparfait, se focalisant sur des journaux très réputés, et que ça ne marchait tout simplement pas. J'ai écrit sur ce qui se passe après la publication, le peer review une fois que tous les papiers sont sortis. Les gens doivent y penser. Je ne dirais pas que j'ai plaidé, mais j'ai présenté les grandes tendances dans la communauté scientifique, dont une qui est en train de prendre de l'importance. Ok, pour terminer. Allez, Pierre, une dernière. You had quite a hard time explaining your fondness and awe about parasites to Jada Brumrad and Robert Krulwich on Radio. Vous avez eu du mal à expliquer votre affection et enthousiasme pour les parasites à Jada Brumrad et Robert Krulwich sur Radiolab. Je suis un fan des parasites et je me suis toujours demandé si cette discussion sur Radiolab avait été préparée ou si elle était vraiment sincère. Est-ce que vous pensez que vous avez contribué efficacement à l'embellissement des parasites? On Radio Lab, Robert Krulwich and Jada Abumrad are, Je pense qu'à Radiolab, Robert Krulwich ou Djihad Amourad pensent que c'est leur job de représenter l'opinion que beaucoup de gens ont. Par exemple, sur les parasites. On a le sentiment que ça fait peur et que c'est bizarre, ils ne veulent pas entendre parler. C'est juste mauvais. You know, persuade them that no, you should really give this some more thought because actually. Et c'est à des personnes comme moi de les persuader que non. Vraiment, vous devriez y réfléchir parce que la nature est étonnante et surprenante et belle, même si parfois c'est de manière sinistre. Mais c'est toujours mieux que ce qu'on aurait pu supposer au premier abord. And you know, it's if I can persuade them on the air, then. Et si j'arrive à les persuader en direct, avec un peu de chance, certains auditeurs peuvent également changer d'avis sur comment le monde marche. Donc, on ne sait toujours pas exactement si c'était mis en scène ou pas. But I guess this will do. Ils ne m'ont pas envoyé de scénario. Nous nous sommes assis et ils ont commencé à me titiller. C'était marrant. Ça a bien marché. C'est vrai. Karim, des questions dans la chatroom? Do we have any questions from the chatroom? Yes, we do have one last question from. Oui, une nouvelle question d'Alex. Vous avez dit que vous travaillez sur un livre sur l'hérédité. Vous avez déjà des idées pour de prochains livres? For other future books? No, only in the sense that I have to non, uniquement parce que je dois d'abord terminer celui que je suis en train d'écrire avant de penser à écrire un autre livre. De toute évidence, c'est un sujet très vaste. Donc, toute mon énergie mentale disponible est monopolisée sur ce livre. Quand ce sera terminé, je penserai au prochain. Pour l'instant, je suis en plein dans celui-là. Un projet à la fois, je suppose, I guess. Yes. Exactement. Ok, c'est le moment de la quote. Karl, vous avez fait vos devoirs? Vous en avez trouvé une dans l'intervalle? Do your homework. Or did you manage to come up with a quote? With a quote in the meantime, Karl. Well, there's a. I can give you. I can certainly quote something from some of the things I've written. There's one piece I wrote for about hands. Il y a quelque chose que j'ai écrit pour le National Geographic. J'essayais de parler de l'importance de la main humaine dans notre évolution, notre histoire, etc. J'ai écrit « La main, c'est l'endroit où le monde rencontre l'esprit. » That's brilliant. Magnifique. Ça nous laisse de quoi méditer jusqu'à la semaine prochaine. Merveilleux. Merci beaucoup. Next week. Fantastic. Thank you so much. Merci. Où est-ce que vous vous retrouvez sur l'Internet mondial? Mon site web, karlzimmer.com, Karl avec un C. J'ai aussi un Twitter, @karlzimmer. Brilliant, thank you. And of course, the Planet of Viruses can be found in all. Et bien sûr, on peut trouver Planète de Virus dans toutes les bonnes librairies. Et à partir du 11 mars, le livre est également disponible en français. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais c'est une excellente traduction. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Enfin non, le pitch d'abord. La semaine prochaine, le mardi 8 mars, un épisode en roue libre avec Émile Onband, une équipe de sociologues qui parle au grand public par le biais de la BD. Les épisodes roue libre sont nos formats un peu test, expérimental. Alors on va essayer, comme à notre habitude, de nouvelles choses, spécialement sur le storytelling. On est désolé pour ceux qui ont écouté cet épisode en anglais. On revient au français la semaine prochaine. Personne n'est parfait. So this was our first show in English, and who knows, maybe it wasn't the last one. Let us know how you feel about it. And we'll see what we can do. In any case, whether you liked it or not, feel free to spread the word. Any viral means will do. Que vous ayez aimé ou pas, faites-le savoir par n'importe quel moyen viral. Aimez-nous sur Facebook, Twitter, SoundCloud, sur tout l'Internet mondial. Un immense merci à Karl Zimmer et un gros bisou à toute l'équipe et à Karim, David et Pierre en particulier. Que servir la science soit votre joie.